qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201. Ou encore, passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Continuez d'écouter CKRL. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation. Pour deux heures de bon rock progressif, on a plusieurs nouveautés. On vous parlera de spectacles, d'ailleurs, des nouvelles sur Terra Incognita, le festival, les 18, 19 et 20 mai prochains. Alors, pour le groupe qui n'est pas annoncé, qui est encore sur le site, mais je vais vous dire quel groupe sera là le samedi soir. Ce sera le groupe de Montréal, Amadriad, qui ont 5 albums à leur actif et qu'ils viennent de faire paraître leur nouvel album Black Hole, dont on vous a présenté un extrait à la toute fin décembre. Et il y en aura de nouveaux extraits dans les émissions à venir. On vous rappelle que le samedi, c'est Circus. Et également, dans Circus, il y a un claviériste qui était de la formation originale là, des années 70. Là, donc, un claviériste avec beaucoup d'expérience une trentaine d'années d'expérience certain, qui sera maintenant, qui est dans Circus. Donc, et il y aura également Wobbler de la Norvège. On sait que Wobbler, c'est finalement ce qui s'est révélé être un des albums de l'année là, en 2017 dans le rock progressif. Alors, il nous présente ce nouvel album et on n'en écoutera pas une pièce ce soir. On en a fait jouer abondamment quand même. Et également, ben, le dimanche, il y a Cellar Noise de l'Italie, un jeune groupe de l'Italie, vraiment excellent. Aerostation, un projet, donc avec Alex Carpani et le fameux batteur italien de Mangalobalis. Et également Moon Safari de la Suède. Puis ça a l'air que c'est très bon. Il y a des gens qui les ont vus à la croisière Prague et qui ont dit que c'était très bon. Alors j'ai très hâte de voir ça aussi, Moon Safari. Et le vendredi soir, ben, il y a Emerson Lake and Palmer Project qui avait annoncé qu'ils étaient là, puis ils ont eu un problème familial. Alors, ce sera finalement le groupe hommage à Pink Floyd, Time for Pink Floyd. C'est les musiciens d'Amadriad, plus une chanteuse et un saxophoniste qui font cet hommage-là. Il semble que c'est très, très près là, du son des années 71 à 79. Donc, la période d'or là, de Pink Floyd pour ce vendredi soir à Terra Incognita, Time for Pink Floyd. Ensuite de ça, il y a House qui s'en vient le 30 mars à la Seine-le-Bourgneuf avec Julien Vachon. House, un groupe de Montréal aussi. Il y a Eden Song des États-Unis qui viennent au Centre d'art La Chapelle le 15 avril. Eden Song qui avait fait un tabac là, lors de Terra Incognita 2017. Un des meilleurs spectacles. Il y a Steven Wilson, tantôt ça jouait là, juste avant aux Illusions auditives. C'est complet par contre, le 20 avril. Il y a également ensuite Arena, le 26 mai au Cégep Garneau. Et le 9 juin, Marillion Script Revisited avec le Mick Pointer's Band. C'était le premier batteur de Marillion. Alors, pas mal de choix à s'en venir. Également, en ouverture du Festival d'été de Québec, Ian Anderson, Jethro Tull. pour ouvrir le Festival d'été de Québec. Ça a été annoncé cette semaine. Ça, pour les amateurs de prog, là, c'est pas mal le fun là, quand même. Alors, j'ai bien hâte aussi de voir ça. Bon, on y va en musique, donc, avec le choix de Bruno. The Rome Project, hein, vous savez que Steve Hackett participe abondamment à ses albums, mais sur cet album-là, il est très présent, et sur cette pièce-là également. Alors, la pièce Monumentum Aere, Perennius, d'ouverture. Également, on ira avec Deluge Grandeur. Ça, c'est sur la compilation qui vient avec le magazine Progressist numéro 91, magazine belge, et ça fait partie de leur album Événement. On écoute la pièce The Blonde Sun and the Hardened Moon, mais tout d'abord The Rome Project. Thank you. 89.1. À découvrir sur La Fabrique culturelle. C'est un travail qui, j'ai discuté avec un joaillier récemment, ça s'apparente quand même un peu à la joaillerie dans le fer, dans le sens où est-ce que c'est un travail avec du fil, tout ça. Puis, Le savoir-faire en fil de fer avec l'artiste-sculpteur Claude-Olivier Gué. Holos, c'est entre 3 et 4 ans de travail, c'est 3 paires de pinces brisées à force de travailler. Donc, ma petite victoire personnelle sur l'acier chinois, peut-être. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. De retour. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe américain Deluge Grandeur, tiré de leur album Oceanarium, paru en 2017. Et c'est un album qui est d'ailleurs chroniqué dans le magazine Progressiste 91. Et ça fait partie de la compilation là, des indispensables. D'ailleurs, il y a une compilation qui vient aussi avec ça, qui est New Species, puis il y a une pièce du groupe américain Bubble Mat, c'est ce qui suivra, tiré de leur plus récent album Edit Peptide, qu'on a présenté quelques fois. Un des bons albums de 2017, d'ailleurs. Et il y aura The Central Con. On avait eu, pour débuter, The Rome Project, avec la guitare de Steve Hackett. Et on a pu reconnaître aussi son frère et également Frank Carducci qui est à la base sur ça. Alors on y va tout de suite donc avec Bubble Mat. Ça sera suivi de Eloy de leur album The Vision, The Sword and the Pyre, la pièce Shinon. Et ça c'est leur 17e album, 19e album, voilà, en carrière pour Eloy. Et on aura également le groupe de la Suède Agusa. Hey there, my confident friend. Isn't freedom funny? We can't help but notice you spend all your time and money passing your panicky laws, pulling people under while happily snapping your jaws. And it makes us wonder why you intrude on the lives of adults consenting when all your intolerant drives are what need preventing. Yeah. ducks, stacking their decks, behaving like a moron, pulling their plugs, not having sex. And things they choose to do in private, breaking the doors, what will you find? You're never worth surviving, winning the wolves, losing your mind. Observe.

noble Dauphin, I have undertaken the long journey hither only for you, to bring you help. Why do you deceive me? No one else can take your place. God speaks to you through me. It is His will that you, as the rightful heir to the throne, become the anointed King of France. God sent me to do this. Let me drive the enemy from our country and lead you to Rennes, to your consecration. But first, send me with an army to Orléans to end the siege of that beleaguered city and clear the path to your coronation. Though I may trust your spoken word, Jeanne, the Church must first examine you. CKRL. 89.1. Québec. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Et de retour. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, un groupe suédois, c'est instrumental, Agusa. Et c'est l'album intitulé Agusa, c'est leur troisième disque, c'était la pièce Sogar Fransaris. Si vous voulez voir exactement comment ça s'écrit tout ça, ben allez faire un tour sur notre site www.terrainincognita.québec. Et sur Google, vous tapez Terra Incognita. Habituellement, vous tombez assez facilement sur le site et vous aurez les informations sur les pièces musicales qu'on fait jouer, les liens vers les podcasts, et également les informations sur les festivals. Le festival qui s'en vient les 18, 19 et 20 mai prochains, et également le spectacle d'Eden Song qui est coproduit par Terra Incognita le 15 avril. Et Bruno a choisi une pièce d'Eden Song, justement de Years in the Garden of Years, la pièce Chronos. Et on aura également Arabs in Aspic qui s'en vient, Sindenes Magi, c'est leur nouvel album, la pièce Morquette 3. Oui, j'ai pas présenté ce qu'il avait joué avant à Agusa. Il y avait eu Eloy, hein, vous avez reconnu Eloy, The Vision, The Sword and the Pyre, volume 1 ou partie 1. Il va en avoir une deuxième partie. Et ça avait débuté avec Bubble Matt, là. C'est très, très dynamique, hein, le groupe américain. Edith Peptide, leur excellent album, et la pièce de Central Con. Alors, on y va tout de suite en musique avec Eden Song et Arabs in Aspic. Thank you. Jag fick vara kejser i ditt akademi. Jag ser hur hårt du prövar mental pandemi. Se hur högt de hoppar, de gapar högt i kor. Hodelösa kroppar gör menigheten stor. Selv är jag förräder, en blodtörst sabotör. Kall mig gärna jätter, sviker och rebell. Respektlös sarkastiker, blasfemisk idiot. Skadefridens uppsynsman med narrens övermod. Yeah.

Av en underlig dröm ett lysglimt farget mitt sinn du må ikke tro allt som skjedde var galt du må ikke sove deg blind den tid forbi förbi. Jag kröp ut av spejlet som väntar mot dig och skänker dig syndens magi. Du slutade upp, det var mörker jag gav. Du må inte sova dig med den tid är förbi. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Ici, on se trouve au parc de l'Artillerie. Juste derrière moi se trouve la redoute du bourreau. C'est là que le bourreau habitait. Ben, le bâtiment n'est plus là, mais c'est à peu près dans ce coin-là. Le rappeur et historien Webster propose une visite guidée du Vieux-Québec dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. À la fin du 18e siècle, les parlementaires et les députés se rencontrent pour voir s'ils vont adopter une loi contraignant l'esclavage au Canada. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Et de retour, ce qu'on a entendu justement à la pause, c'était le groupe de Norvège Arabs and Aspic, tiré de leur plus récent album Sindenes Magi. C'était la pièce Morket 3, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment en norvégien. Et juste avant, il y avait eu le groupe américain Eden Song, tiré de Years in the Garden of Years, et la pièce Chronos, qu'on pourra voir, un groupe qu'on pourra voir en spectacle le 15 avril prochain à Québec, au Centre d'art La Chapelle. On poursuit avec Comedy of Errors, c'est leur album paru justement en 2017, House of the Mind, et la pièce House of the Mind. Ça aussi, ça apparaît sur le New Species, il y a des bonnes pièces sur ça. Numéro 31 qui va avec le magazine progressiste numéro 91. Et on ira également avec Bruno, les meilleurs groupes des années 2000. Il fait toujours des superbes sélections. On aura de l'album Snow Torch de Fido. La pièce Snow Torch Part 2. Mais tout d'abord, Comedy of Errors. Of the night.